changeur d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand porte son chapeau et fait le choix musical et s'occupe de la console. Aujourd'hui, l'émission commence avec du jazz, de la musique de films noirs, un peu aussi du néo-classique, même si on n'aime pas le terme, disons cela comme ça, et ensuite un peu plus électronique. Et qu'est-ce qu'on fait comme d'habitude? Nous y allons maintenant. Thank you.

Wait, wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Now. serves me right forever loving you. It's no fun to love someone who simply don't love you. Serves me right forever loving you. Friends of mine say you're the kind who simply won't play fair. But my life just won't seem right unless I have you near. Yes, I'll cling to everything that brings me dreams of you. Serves me right forever loving you. Thank you. Oui, eh bien, ça commençait comme ça, les échangeurs d'air. Pour cette semaine, d'abord avec World Nightmare, une pièce de Claude Trenier avec Charles Mingus, le Charles Mingus Sextet, sur une compilation qui s'appelle Charlie Mingus, The Young Rebel, de 2004. Les Trenier, étaient des frères, il y avait des trois frères qui jouaient dans différents orchestres et qui chantaient, qui faisaient du rock'n'roll même. Johnny Otis, his drum and his orchestra nous faisait Harlem Nocturne, pièce qu'on peut retrouver sous bien des versions dans le monde. Et c'est sur une compilation qui s'appelle Johnny Otis, The Essential Recordings de 2014. Der Fluch der Gelben Schlange 1. C'est Oscar Salah. C'est tiré d'une compilation qui s'appelle le Criminal Film Music numéro 4. Une compilation Paris en 2000 sur laquelle il y a beaucoup de très bonnes choses. Interlude, c'était Sarah Vaughan avec Dizzy Gillespie and his orchestra sur Dizzy Gillespie, The Development of an American Artist. On peut en parler, Dizzy Gillespie, mais il est déjà connu pas mal. C'est une vieille compilation quand même qui date de 76. The Murder of Two Men by a Young Kid Wearing Lemon-Colored Gloves. C'était Kenneth Patchen avec le Chamber Jazz Sextet sur une autre compilation qui s'appelle Kenneth Patchen Reads His Poetry with the Chamber Jazz Sextet de 1957. La lecture de poèmes avec des orchestres, ça a été assez populaire à certains moments dans l'histoire. Il y a eu des spoken words, il y a eu toutes sortes de trucs comme ça, puis c'est beaucoup de trucs très plaisants. Et les beatniks, oui, beaucoup de beatniks, me dit Jean-Philippe, que vous avez peut-être entendu. Oh, oh, j'ai entendu la voix de Jean-Philippe. Impossible. Astrato 3. C'était Ennio Morricone sur la bande originale du film Verushka de 1971. J'aimerais bien que quelqu'un résume la carrière d'Ennio Morricone à un moment donné, juste pour voir si ça dure. Le résumé dure combien d'heures. Christophe Comeda nous faisait Ballade for Burnt sur la bande originale du film Le couteau dans l'eau de 1962. Christophe Comeda, il y a toutes sortes de rumeurs à son sujet, comme quoi il aurait été un prodige du piano, alors que d'autres disent non, il jouait pas très bien du piano. En fait, mais il était médecin aussi. C'est un laryngologue. Et il jouait sous un autre nom pour ne pas froisser ses amis médecins. Serves Me Right, c'était Arthur Prezok avec Buddy Johnson and his orchestra sur une compilation qui s'appelle Jazz Noir, Darktown Sleaze from the Mean Streets of 1940s LA. C'est un titre relativement long quand même. Puis on a continué avec Night Beat. C'était de Chico Hamilton Quintet sur la bande originale du film Sweet Smell of Success de 57. Et nous avons terminé avec Title Music des Unsichtbaren Krallen der Dr. Mabuse de 1962. C'était Peter Sandloff qui nous tirait ça de Criminal Film Music numéro 4. Si vous voulez tout savoir pour le vrai, allez sur notre blog échangeur au pluriel .blogspot.com. les échangeurs d'air, toujours avec vous jusqu'à 22h. Ensuite, nous aurons Alexandre pour faire agression par le son. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a eu? Donc voilà, Green Lady, c'est de David Chesworth Ensemble sur un album qui s'appelle Exotica Suite de 1992. Beaucoup de travail dans la vie pour Monsieur Chesworth que nous on connaît parce qu'on a mis du Essendon Airport. Qui est un de ses groupes. Je lui-même vient de Stoke-on-Trent au Royaume-Uni, mais il est en Australie depuis longtemps. Il a même fait une installation sonore autour du stade olympique de Sydney. Alors, puis il fait des installations comme ça un peu partout. Il se promène de à la Biennale de Venise, puis il fait des installations. Sonore musical et avec du vidéo, toutes sortes de choses. Et comme je dis, si vous avez l'occasion de tomber sur ce Essendon Airport, c'est très bon. On en a mis régulièrement, puis il y a beaucoup de choses là-dedans. Il a fait des trucs pour les Jeux du Commonwealth aussi. Non, c'est un peu drôle. Allez voir, il y a un Wikipédia assez complet sur lui, quand même. Puis ensuite, on peut aller sur son site et voir d'autres choses. From Pure Hair, c'était Charlie Kaywood, Blurring Into Motion, c'est le nom de son album de 2019. Imaginez-vous que Jean-Philippe le connaissait pas, pour vous dire, il l'a connu depuis peu, puis c'est son quelque chose comme son deuxième album, ou... Peut-être qu'il y en a plus, j'essaie de voir. Discographie, en fait, il y a un album, on parle comme leader, mais il a travaillé avec beaucoup de monde aussi, dont Tonochrome et Andrés Razini. C'est un type qui fait de la musique qu'on pourrait qualifier de relativement planante, par moment. Relativement planante, un peu folk. Expérimental aussi, puis juste vous dire de lorsqu'on regarde de quoi il joue, de la guitare, de la basse, sitar, pipa, zongruan, darwan, liguin, oud, saz, bouzouki, kombos, tzoura, quattro, le luth européen, le dulcimer à marteau, le zither, la lyre celtique, du gamelan aussi, puis du clavier. Ben oui, c'est toujours pratique de jouer du clavier comme ça. Puis c'est un type qui vient de où? De Barking, à Londres. C'est ça, puis c'est un peu drôle parce que on dit qu'il vient de Barking, mais qui est originaire de Ilford. Bon, enfin, c'est sa vie. Lui aussi, différentes choses, puis il travaille avec plein de gens, mais il a travaillé avec beaucoup de monde, pas en solo, mais participé à plein de choses et fait des trucs solo, qui serait son deuxième album, celui qu'on a mis tout à l'heure. Donc, le Wikipédia ne sera pas à jour. Pythagoras on the Line Again, c'est Penguin Café sur un album qui s'appelle Handfuls of Night de 2019. Alors, Penguin Café, ne pas confondre avec Penguin Café Orchestra, mais évidemment, il y a une lignée là-dedans. C'est Arthur Jeffs, qui est le fils de Simon Jeffs, et d'Emily Young, qui est une sculpteur qui fait beaucoup de choses aussi, en fait, qui est extrêmement reconnue. Et j'ai essayé de voir tout à l'heure s'il y avait des membres qui étaient d'anciens membres de Penguin Café Orchestra, mais ça semble en fait qu'il y a c'est surtout des jeunes qui sont là, des plus jeunes, et dont des membres de Suède et Gorillaz, qui sont comme ça. Et Penguin Café, ben, ça a été extrêmement populaire un certain temps. Et ça l'est encore, peut-être, dans le cas de Penguin Café. Donc, Penguin Café Orchestra, ça a été très populaire, mais on parle des années, fin des années 70, début 80 aussi. Et maintenant, c'est quand même une dizaine de musiciens qui font des trucs qui ressemblent à Penguin Café Orchestra. Seigen Ono nous faisait 5-8 RP sur l'album Seigen de 1984. Lui, c'est un type sur qui on n'a pas des tonnes de d'informations, peut-être qu'il faudrait chercher mieux. Musicien japonais qui a travaillé avec Bill Laswell, les Lounge Lizards, John Zorn, Evan Lurie, toutes sortes de monde comme ça. Puis il fait des trucs qui sont un peu hypnotiques, par moment. Puis des alors ce qu'on a entendu, c'était relativement hypnotique. Et il y a un truc qui s'appelle, il y a une suite pour guitare à 12 cordes. Il faudra peut-être écouter un jour si c'est bon. Et nous avons terminé avec Elodie Lawton qui nous faisait 4 Counterpoint de 1983 sur une compilation qui s'appelle Piano Works Revisited. Et Elodie Lawton, c'est une Française qui a immigré aux États-Unis et spécialisée dans le post-minimalisme et le microtonalisme. Elle est née Geneviève Chécroun, puis elle a étudié à Paris avant de s'en aller à New York, parce qu'elle est diplômée de l'Université de New York même. Et son père s'appelait Errol Parker, mais né Raphaël Chécroun en Algérie. Puis sa mère était pianiste classique. Tiens, on aurait pu presque s'en douter. Puis elle a fait, elle aussi, beaucoup de choses. Elle a travaillé, entre autres, avec... en fait, à faire un opéra. Laissez-moi retrouver ça. Walking in New York, sur des textes de son ami Allen Ginsberg. Puis elle est décédée, malheureusement, à l'âge de 63 ans. Puis on peut aller voir... quelques-uns de ces trucs, si vous allez voir aussi sur son œuvre, il y a pas mal de musique de chambre, de danse, des opéras, des trucs pour des films, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de stock. Et même du New Age. Oui, même du New Wave, excusez-moi. C'est ça, c'est Jean-Philippe qui me parlait. Mais c'est ça, comme ça. Depuis qu'il y a une voix, je trouve ça troublant. Et ensuite, on va aller finir avec un petit peu d'électronique. Thank you.

Ça, c'est du fond sonore. Et c'est déjà tout pour nous, les échangeurs d'air. Alex devrait être là pour vous faire agression par le son. Qu'est-ce qu'on a entendu pour terminer? Dobbs Bud. C'était Pierre Bastien sur Blue as an Orange de 2015. Pierre Bastien, qui est un type qui est né en 53 à Paris, qui fait de la musique, on pourrait dire expérimentale. Oui, puis il fabrique des instruments de musique, dont il s'est fait un orchestre de mécano, aussi de machines mécano, qui jouent de différents instruments. Mais c'est drôle, c'est de faire des mécanos, mais qui jouent d'instruments comme du luth chinois, le bendir, le rebab marocain, la kora, le sarong javanais, le koto, et la mandoline yougoslave. Alors, il s'amuse avec toutes sortes de choses comme ça. Il s'est beaucoup promené, puis a joué avec plusieurs personnes, Robert Wyatt, Jackie Lebzeit, Klimperi aussi. Et puis il a fait un doctorat en littérature française sur Raymond Roussel. Ben oui, on ne sait jamais, ça peut servir un doctorat sur Raymond Roussel. Fabulous Diamonds nous faisait Wheel of Fortune sur Plain Sounds de 2019. Fabulous, eux, sont des Australiens. Puis d'écrire leur musique pourrait être relativement difficile. Du dub, du répétitif, du minimalisme. Parfois c'est plus enlevant, parfois non. Ils s'appellent Jarod Zlatic et Nisa Venerosa. C'est ça, la batteuse vocaliste aussi, qu'on dit, chanteuse. C'est ça. Alors ça passe de tout à tout. Voilà pour eux. Daedalus nous faisait Put You Under sur The Bitter Reanders de 2019, ça aussi. Là, il s'appelle Alfred Weisberg Robert, sous le nom de Daedalus, qui est un Américain qui vient de la côte ouest. Puis il a appris de la clarinette, la basse, tout ça, mais il fait de l'électronique, il a fait du punk aussi. Puis parfois, comme il aime passer d'un style à l'autre, il fait de la chanson avec sa blonde qui joue de la flûte et lui de la guitare, par exemple. Alors il passe lui aussi d'un style à l'autre. Ensuite, Seth Graham nous faisait Mask et Fin sur l'album Gask de 2018. Lui, il a sa propre étiquette de disque où est-ce qu'on joue beaucoup avec les collages et toute l'approche kaléidoscopique. Je pense que ça décrirait bien sa musique quand même. Puis il y a une entrevue avec lui sur comment s'appelle ce site déjà, Telemix Tape, qui est assez intéressant. Alors il répond à quelques questions comme ça sur son travail. Attis Noit nous faisait Anagram CIY sur Illogical Dance de 2018. Japonaise qui s'amuse avec beaucoup de choses pour la voix, mais dans beaucoup de styles différents. Elle va passer vraiment du plus classique japonais à la pop, avec tout l'expérimental qu'il peut y avoir entre les deux. Puis elle a découvert qu'elle voulait être chanteuse en se promenant au Népal, à la recherche de s'intéressant au bouddhisme. Puis on dit c'est le chant d'une moinesse tibétaine, pas tibétaine, mais bouddhiste, qui l'a convaincu que c'était la voie à suivre. Et Battles nous faisait Loop So Nice sur Juice by Crips de 2019. Battles, on en a mis quelques fois, et il y avait Tiondé Braxton qui faisait partie du groupe avant, mais en ce moment il y a Ian Williams qui était dans Don Caballero, puis John Steiner qui était dans Helmet et Tomahawk, puis Dave Konopka aussi, puis ils font des trucs depuis 2003, pas énormément de trucs quand même, quelques albums, 5 en tout depuis les années où ils produisent comme ça. En fait, ils ont commencé à jouer avant de faire des albums. Ils ont commencé en 2003. Le premier album date de 2006. Et c'est tout pour nous. Là, c'est vraiment tout. Moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.